Première partie, chapitre 17e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 17e. Méditation d'une âme qui délibère entre le paradis et l'enfer. Préparation. Premièrement, mettez-vous en la présence de Dieu. Deuxièmement, priez-le avec humilité qu'il vous inspire. Considération. Imaginez-vous, pour le commencement de votre méditation, que vous êtes dans une vaste campagne avec votre ange gardien, à peu près comme le jeune Tobie qui était dans son voyage avec le saint archange Raphaël, que vous ouvrant le ciel, il vous en fait voir la beauté et toute la gloire, qu'en même temps il vous fait paraître l'enfer ouvert à vos pieds. Premièrement. Cette supposition étant ainsi faite, et vous tenant à genoux comme en la présence de votre bon ange, considérez que véritablement vous êtes en cette vie entre le paradis et l'enfer, et que l'un et l'autre sont ouverts pour vous recevoir. Deuxièmement. Mais considérez bien que le choix qui s'en fait présentement en cette vie subsiste éternellement en l'autre. Troisièmement. Quoique le choix que vous ferez doive régler la conduite de Dieu sur vous, soit celle de sa miséricorde pour vous recevoir dans le ciel, soit celle de sa justice pour vous laisser précipiter dans l'enfer. Cependant, il est certain que, du propre mouvement de sa bonté, il veut très sincèrement que vous choisissiez l'éternité bienheureuse, et que votre bon ange vous y porte de tout son pouvoir, en vous présentant de la part de Dieu tous les moyens qui sont absolument nécessaires pour la mériter. Quatrièmement, écoutez sur cela, intérieurement et attentivement, toutes les voix qui vous viennent du ciel pour vous y inviter. Venez, dit Jésus-Christ, ô chère âme, que j'ai plus aimé que mon sang. Je vous tends les bras pour vous recevoir dans le séjour des délices immortelles de mon amour. Venez, vous dit la Sainte Vierge, ne méprisez pas la voix et le sang de mon Fils, ni les désirs que j'ai de votre salut, et les prières que je lui présente pour vous en obtenir les grâces. Venez, vous disent les saints et les saintes, qui ne désirent rien plus que l'union de votre cœur avec le leur, pour louer Dieu éternellement. Venez. Le chemin du ciel n'est pas si difficile que le monde le pense. Nous l'avons fait, et vous nous voyez au terme. Entrez-y seulement avec courage. Vous verrez que par une voie incomparablement plus douce et plus heureuse que celle du monde, nous sommes parvenus au comble de la gloire et de la félicité. Élection. Ô détestable enfer, je t'aborde avec tous tes tourments et avec ta funeste éternité. Je déteste surtout ces blasphèmes horribles et ces malédictions diaboliques que tu vomis éternellement contre mon Dieu. Mon âme est créée pour le ciel, et l'attrait de mon cœur l'y porte, oui, délicieux paradis, séjour tout divin de la félicité et de la gloire éternelle. C'est au milieu de tes saints et aimables tabernacles qu'aujourd'hui je choisis à jamais et irrévocablement ma demeure. Je vous bénis, ô mon Dieu, en acceptant l'offre qu'il vous plaît de mon faire. Ô Jésus mon Sauveur, j'accepte avec toute la reconnaissance dont je suis capable l'honneur et la grâce que vous me faites de vouloir m'aimer éternellement. Je reconnais que c'est vous qui m'avez acquis ce droit sur le ciel. Oui, que c'est vous qui m'avez préparé une place dans la céleste Jérusalem, et aucun des avantages que porte ce bonheur ne me fait tant estimer le plaisir de vous aimer et de vous glorifier éternellement. Acceptez la protection de la Sainte Vierge et des saints. Promettez-leur de vous en servir fermement, pour vous avancer au terme où ils vous attendent. Tendez la main à votre bon ange en le priant de vous y conduire. Excitez votre âme à bien soutenir son choix. Fin du chapitre 17. Première partie.